بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد لون جاء الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de ses assises sur cette radio de taqwa que Allah سبحانه وتعالى récompense ceux qui sont à l'origine de ce moyen et par la grâce d'Allah Azza wa Jal on va faire un récapitulatif sur certains points concernant le jeûne de Ramadan avant de passer au chapitre suivant. Et tout ce que vous allez entendre dans sa grande partie ne sort pas des paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen dans Bulugh al-Maram, dans l'interprétation qu'il a fait de Bulugh al-Maram et dans son livre Sharh al-Mumti'. Et quelques paroles de Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi ainsi que celles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Donc c'est une compilation inshallah qui concernera beaucoup de points concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et donc le terme Ramadan a plusieurs significations, mais la signification la plus proche, la prépondérante, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen dans son charh de Bulugh al-Maram, Ramadan dérive de Ramda, la forte chaleur, car au moment où il a été nommé, c'était une période de forte chaleur. Et d'ailleurs, beaucoup de mois lunaires ont été nommés par rapport à l'événement qui s'y est passé au moment de les nommer. Comme pour Shaban, il a été appelé ainsi car au moment de son appellation, les Arabes erraient entre les montagnes dans Shu'ab, erraient entre les montagnes dans les hauteurs à la recherche de l'eau. Il en est de même pour Jumada premier et Jumada dernier. Ça vient de Jamada qui veut dire gelé, car au moment de l'appellation de ces deux mois, l'eau était gelée. Donc passons à la signification du jeûne. Le jeûne dans la langue arabe signifie l'abstinence. Ainsi on dit de celui qui garde le silence, il est sa'im anil kalam, sa'imun anil kalam, car il s'abstient de parler. Dans le verset Maryam a dit inni nadhartu lirrahmani sawma, dit dans la traduction approximative du sens du verset Maryam alayha salatu wassalam a dit, j'ai voué au miséricordieux un jeûne. Ici, ça veut dire un vœu de silence pour ne pas parler. Les Arabes disent, Sa'amatil ard. Ils disent de la terre, Sa'amatil ard. Ça veut dire la terre s'est abstenue de sortir à sa végétation, etc. Siyam. Le jeûne, dans la terminologie religieuse, c'est une abstinence spécifique, en un temps spécifique. On s'abstient de manger, de boire, ainsi que de tout annulatif du jeûne, de l'aube véridique jusqu'au coucher de soleil, par adoration pour Allah. Par adoration pour Allah. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh dit dans Sharh Bulugh al-Maram, Allah a rendu obligatoire le jeûne de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. Il y a unanimité faite sur le fait que ceci a été durant le mois de Sha'ban de cette année. Donc l'unanimité sur le fait que le prophète a jeûné 9 ans successifs. Et donc nous avons ici 3 unanimités. Le jeûne de Ramadan est obligatoire, l'unanimité des hommes de science dessus. Il a été rendu obligatoire durant le mois de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire, il y a l'unanimité aussi dessus, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, a jeûné 9 Ramadan successives ou s'il y a l'unanimité dessus. Donc nous avons deux types de jeûnes, le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Le jeûne obligatoire est de trois sortes. Il y a trois sortes de jeûnes obligatoires: le jeûne de Ramadan, le jeûne de l'expiation, le jeûne dû à un vœu pieux. Les conditions de l'obligation du jeûne, l'islam, la puberté, la raison, la capacité, la résidence, et concernant la femme, être exempte du sang, des louchis et des règles. Concernant le jeûne du non-musulman n'est pas accepté jusqu'à ce qu'il rentre dans l'islam. Et quand il rentre dans l'islam, il ne sera pas tenu de rattraper les mois qu'il n'a pas jeûné dans sa mécréance. Et s'il rentre dans l'islam au milieu du mois de Ramadan, vers la fin du mois de Ramadan, il jeûnera juste les jours du mois où il est rentré dans l'islam. Il n'a pas rattrapé les jours qu'il n'a pas jeûné du mois du, car il n'était pas musulman encore à ce moment-là. Et selon l'avis le plus juste des savants, les non-musulmans sont concernés par les obligations religieuses, car ils vont être châtiés pour le délaissement de la soumission à Allah, Azza wa Jal. Et les arguments sont nombreux dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager alayhi salatu salam. Fait partie de ces preuves le verset qui dit ceci: Illa ashab al-yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'idin wa kunna nukadhdhibu bi yawm al-din. Donc le verset cité ici comme preuve, dans la traduction approximative du sens du verset, il nous dit ceci: sauf les gens de la droite, ils sont dans les jardins, ils s'interrogeront sur les criminels. Qu'est-ce qui vous a fait acheminer à Saqqar? Ils diront: nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitons de mensonges le jour de la rétribution. Et concernant l'impubère, le musulman impubère, le jeûne n'est pas obligatoire pour l'impubère musulman. Cependant, il est valide de lui à partir de l'âge du discernement. Et en général, ce qu'on considère les hommes de science comme âge de discernement, 7 ans. Et il est recommandé que les tuteurs des enfants les incitent à jeûner s'ils ont la capacité de le faire, pour les habituer à cette noble adoration. Et c'est ainsi que faisaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Ils habituaient les enfants à jeûner, et vers la fin des journées, ils leur donnaient des trucs pour les distraire, comme le fait de, il est motivé à faire vers des petits jouets avec de la laine ou avec de la pâte et ainsi de suite, pour qu'il passe le temps jusqu'au coucher de soleil. Les signes de la puberté: les garçons sont considérés pubères avec l'un de ces trois signes. La pilosité pubienne, la sécrétion du sperme, l'âge de 15 ans, et les filles, en plus de ces trois signes, en plus de l'un de ces trois signes, se rajoute le son des règles. Donc, dès que l'un de ces trois signes apparaît, donc la personne est rentrée dans l'âge de puberté. Quant au jeûne du fou, de celui qui a perdu la raison, il n'est ni obligé, ni valide de sa part. Il n'est pas obligé de jeûner, comme il n'est pas valide de sa part. Et celui qui a perdu la raison, comme dit Cheikh Al-Utaymiyyin, rahmatullah alayh, est dans l'une de ces trois situations. c'est son état est similaire à celui qui s'est évanoui et retrouve ses esprits, il devra rattraper les jours non jeûnés. La deuxième situation, c'est dans la situation de l'handicapé mental, il n'est pas obligatoire qu'il jeûne, ni qu'il rattrape. La troisième situation, celui qui perd la raison de temps en temps, il jeûnera les jours au cours desquels il a sa raison. Et on passe aux catégories de personnes qui ont la permission de rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Vient le voyageur comme c'est stipulé dans le verset. قال عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Et donc, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne plus tard un nombre égal de jours, Allah veut pour vous la facilité et l'aisance et non la difficulté. Ainsi, la facilité et l'aisance, ce sont deux choses visées par la législation d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette législation, ne nous impose pas quelque chose que nous sommes incapables de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas imposé des choses qui sont, qui ne sont pas de notre capacité. Toute la législation est dans notre capacité. Et quand il y a des difficultés, à ce moment-là, selon les cas, il y a les dérogations qui arrivent. Mais les dérogations doivent être conformes à la législation d'Allah. Et non pas chacun prend la dérogation qu'il veut. Donc, il est interdit donc, il est permis de jeûner en voyage à l'unanimité des savants. Il n'y a aucune divergence là-dessus, comme quoi il est permis de jeûner en voyage à l'unanimité des savants. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, a dit, les imams sont unanimes sur la permission de jeûner ou de rompre le jeûne de Ramadan pour le voyageur. Mais ils ont divergé sur ce qui était meilleur à faire. Donc l'unanimité sur le fait qu'il est permis de jeûner pendant le voyage et qu'il est permis aussi de rompre le jeûne durant son voyage. Il y a la divergence tout simplement sur le fait c'est quoi le meilleur. C'est tout. Donc, les trois imams ont été d'avis que le jeûne était meilleur pour celui qui en était capable sans difficulté apparente. Alors que l'imam Ahmed et ses compagnons ont été d'avis que la rupture des jeûnes était meilleure, même si on ne rencontre aucune difficulté. D'autres savants ont été d'avis que les deux choses étaient permises. Et c'est là, dit Cheikh Al-Utaymin, l'avis prépondérant. Les deux situations sont valables. Hein? Et donc, Cheikh Al-Utaymin, il dit, que les deux situations sont permises et si la vie prépondérant tant qu'il n'y a pas de grandes difficultés à jeûner ou que le jeûne n'empêche pas l'accomplissement des actes méritoires durant le voyage. À ce moment-là, la rupture du jeûne est meilleure. Il dit, et tous ces avis tournent autour de preuves. Hein? Donc, regardez donc, la rupture du jeûne peut être obligatoire pour quelqu'un. Prenez là la situation de l'homme où ils étaient en voyage avec le prophète alayhi salam, et tout d'un coup le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam remarque un attroupement, Ils demandent c'est quoi? Ils ont dit c'est un homme qu'on est en train de faire de l'ombre et qui est en état de jeûne, qui est en train de jeûner. Il a dit, alayhi salatu salam, ça fait pas partie du bien, hein, de jeûner en voyage. Donc les hommes de science tirent de là que si la personne arrive à cet état-là d'être, hein, de perdre ses forces, c'est obligatoire pour lui de rompre le jeûne. Dans l'autre hadith, durant ce voyage ou un autre voyage, hein, il faisait très chaud, les compagnons sont arrivés à un endroit pour y camper, et les tentes n'étaient pas encore dressées, les jeûneurs sont tombés de fatigue épuisée. Et ceux qui ne jeûnaient pas ont dressé leurs tentes, ou amener les bêtes à la brouvoir et ainsi de suite. Le prophète al-Islam, quand il a vu ça, il a dit, ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui ont pris toute la récompense. Hein? Et là, selon ce cas-là, les hommes de science disent, il est permis. Hein? Dans ces cas-là, si hein, le jeûne va empêcher d'accomplir des actes méritoires, ben à ce moment-là, la rupture du jeûne est meilleure. Hein? Et donc, il y a dans d'autres situations, hein, comme ce hein, compagnon qui avait la force de jeûner, qui jeûnait beaucoup, Rasulullah nous a dit, tu as le choix entre le fait de jeûner et de ne pas jeûner. En tous les cas, ce qu'il faut retenir de ça, que ceux qui jeûnent en voyage ne doivent pas blâmer ceux qui ne jeûnent pas. Et ceux qui ne jeûnent pas, ne doit pas blâmer celui qui jeûne. Les situations, hein, là il y a une dérogation législative, et celui qui la prend, hein, qui la met en application, là il a mis en application, hein, ce qui est stipulé dans la législation d'Allah. Et, une chose aussi, il faut pas rentrer dans notre raison là où il faut pas. Le voyage est un voyage. Qu'il se fasse à d'autres dromadaires ou qu'il soit en TGV. Peu importe. Ou prendre l'avion ou autre. Et regardez la situation de stress dans laquelle se trouve le voyage. Le voyageur. Hein? Pour son bagage, qu'ils peuvent pas les papiers, que ceci, cela, etc. Donc, on n'a pas à ramener notre raison là où il faut pas. S'il y avait quelque chose, des exceptions dans le voyage, il aurait été stipulé dans la législation d'Allah, Azzawajallah, subhanahu wa ta'ala, qui a créé, hein, les créatures, et qu'il leur a légiféré ce qui est bon, et ce qui le convient à toute leur situation. Donc, tant qu'il n'y a pas d'exception faite dans la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne vient pas à nous, et on ramène notre raison, et on fait des exceptions dans les textes. Abedan. Nos pieux prédécesseurs ne l'ont pas fait. Et la place qui était large pour nos plus précisseurs d'Allah alayh, l'est pour nous aussi. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayh, attire l'attention sur un point essentiel ici. Il dit, si le but du voyage est de rompre le jeûne, ce voyage est illicite. Et la rupture du jeûne est illicite. Même si on voyage, ce voyage est illicite, car son but c'est de repousser une obligation. Et il est interdit, dans ce cas, de rompre le jeûne, car les interdits d'Allah ne cessent pas avec les ruses. Donc, là, c'est un point très important. Certains, ils se disent, il fait très chaud au mois d'août, par exemple, mois de juillet, je vais voyager vers un pays froid, ou là, vers une région, hein, pour ne pas jeûner. Et bien l'intention, cette intention-là, c'est une ruse. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il dit dans ces cas-là, ce voyage est illicite, et il n'est pas permis de rompre le jeûne durant ce voyage. Car, hein, on n'a pas à utiliser les ruses. Hein, il y a un énorme chapitre, un grand chapitre, dans Sahih al-Bukhari, qui s'appelle le livre des ruses. Hein, nous devons faire très attention à cela. Thank you. Et venons à la situation du malade. Les malades, les maladies sont dans deux situations différentes. La première, le malade dont la maladie est passagère. Dans ces cas-là, si la maladie influe sur sa capacité de jeûner, il rompt le jeûne, il n'y a pas de problème. Et il le rattrape par la suite. Ici, la maladie n'a aucune influence sur son jeûne, il jeûne. Hein? Le deuxième cas de la maladie, c'est si une maladie dont on n'espère pas la guérison, celui-là, ce malade, doit nourrir pour chaque jour un pauvre, il n'a pas rattrapé les jours qu'il n'a pas jeûné. Comme tous ceux qui ne peuvent pas, qui sont avec les dialyses, qui sont les diabètes, etc., etc. Toutes ces maladies qui ne permettent pas à la personne de jeûner. Et que ce sont des maladies, dont on n'espère pas la guérison. Quant à la femme, en période de règles ou de luchie, obligatoire pour elle de rompre le jeûne. Et il doit le rattraper par la suite. Il ne doit pas agir comme les ignorantes et comme la masse. Jeûner toute la journée jusqu'à quelques minutes ou un quart d'heure avant le coucher de soleil et boire une gorgée d'eau, quelque chose comme ça. Abedan. Ceci, la femme qui a ses règles, qui a ses menstrues, rompre son jeûne. Les savants ont divergé concernant la femme enceinte et celle qui allait. Si la femme craint pour l'enfant qu'il porte dans son ventre ou qu'il l'allait, et qu'il rompe le jeûne, doit-il s'acquitter d'une compensation ou non? Ou doit-il rattraper le jeûne? L'imam Ahmed, ainsi que l'imam Shafi'i, ont opté pour l'obligation de la compensation, en raison de ce qu'on rapportait, de ce qu'on rapporte d'Abdullah ibn Abbas, concernant le verset où il est dit, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Le verset nous dit ceci dans la traduction approximative du sens du verset. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, la compensation consiste à nourrir un pauvre. Abdullah ibn Abbas a dit ce verset a été révélé pour l'homme et la femme âgée qui ne peuvent pas jeûner et qui doivent rompre le jeûne et nourrir au lieu et place chaque jour un pauvre. Il dit de même que la femme enceinte et celle qui allait s'ils craignent. Abu Daoud il dit s'ils craignent pour leurs enfants, l'enfant qu'il allait ou l'enfant qu'il porte dans son ventre. Les Hanafites et les Malikites ont été d'avis qu'ils devaient rattraper les jours manqués et non nourrir un pauvre. Cela est l'avis de l'Hassan al-Basri, de Ata, de Nakhai, de Zuhri, de l'Auza'i, de Soufian Thawri. Mais il n'y a aucun texte pour soutenir cette obligation. Et le principe de base est l'exemption de toute obligation. Mais il est authentifié qu'Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar ont jugé concernant la femme enceinte et la femme qui allait dès lors qu'ils craignent pour elle ou pour leurs enfants de rompre le jeûne et de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, car ils rentrent dans le coup du verset et on connaît aucun compagnon qui se soit opposé à leurs avis. C'est-à-dire aucun compagnon ne s'est opposé à l'avis d'Abdullah ibn Abbas ni à l'avis d'Abdullah ibn Omar. Ibn al-Qayyim a dit, rahimahullah, ce fut l'avis d'Ibn Abbas et d'autres, nourrir en lieu et place du jeûne. Et on vient à la quatrième catégorie, les personnes âgées, dans leur cas, qui ne peuvent jeûner, ne jeûnent pas, ils n'ont pas à le rattraper, ils nourrissent pour chaque jour un pauvre. Ainsi, on voit que la permission de rompre le jeûne se divise en deux. Les uns rompent le jeûne et le rattrapent, et les autres rompent le jeûne sans le rattraper par la suite, mais il s'acquitte d'une compensation. La quantité de nourriture de compensation n'a pas été spécifiée, donc tout ce qui est nommé repas suffit. Tout ce qui est connu dans l'habitude des gens que c'est un repas, il suffit. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh dit pour la compensation, il n'est pas valable de faire un repas pour 30 personnes la première nuit du Ramadan, car à cet instant rien n'est dû. Il dit, mais on peut nourrir chaque jour un pauvre ou s'en acquitter à chaque tiers du mois, ou encore les rassembler le dernier jour. Cheikh Al-Uthaymeen, il est d'avis comme quoi on n'a pas à nourrir 30 pauvres, dit la première nuit du mois de Ramadan, mais qu'on peut s'en acquitter chaque jour nourrir un pauvre, ou alors tous les 10 jours nourrir des pauvres, ou à la fin du mois de Ramadan nourrir les 30. Et on passe au fait de jeûner pour autrui. Quant au fait de jeûner pour autrui, les dettes du défunt doivent être acquittées, que ce soit des dettes vis-à-vis d'Allah, comme la zakat, le jeûne, ou vis-à-vis des gens. Les plus en devoir de s'en acquitter, ce sont les héritiers. Et cela compte parmi les grandes formes de bonté et de bienfaisance vis-à-vis de son proche. Le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, selon Aïcha, que le prophète a dit, quiconque meurt alors qu'il doit s'acquitter d'un jeûne, que ses héritiers jeûnent pour lui. Ce hadith indique, dans son apparence, l'obligation de s'acquitter du jeûne dû par le défunt, qu'il s'agisse d'un jeûne obligatoire par la législation, obligatoire par le vœu pieux. Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, dans les commentaires et les critères et les critiques qu'il a émis sur le livre Tamam al-Minna, il a dit, plusieurs hadiths indiquent clairement la légitimité de l'acquittement par le titeur d'un défunt du jeûne que ce dernier avait fait vœu d'accomplir. Donc il parle du vœu du jeûne imposé par un vœu pieux. Il dit toutefois, le hadith de Aïcha, de par son sens général, importe un élément supplémentaire qui est la possibilité de s'acquitter du jeûne obligatoire qu'un mort n'aurait pas accompli. Il dit, un tel avis est d'ailleurs soutenu par les savants Shafi'ites, c'est aussi la position d'Ibn Hazm et celle d'autres savants. Il dit, rahimahullah, les savants du rite Hanbalite ont quant à eux opté pour l'avis contraire, qui a même été énoncé par l'imam Ahmed, Abu Daoud l'a mentionné dans son ouvrage intitulé « Al-Masa'il ». Masa'il Imam Ahmed de Abu Daoud. Il a dit « J'ai entendu l'imam Ahmed dire « On ne jeûne pas à la place du mort que dans le cas d'un jeûne que celui avait fait vœu d'accomplir. » Donc, les disciples de l'imam Ahmed ont ainsi restreint le champ d'application du hadith de Aïcha. Hein, ils l'ont restreint au jeûne imposé par le vœu pieux, tout simplement. Pourquoi, dit Cheikh Nasr al-Albani, rahmatullah alayh, on s'appuie premièrement pour cela sur ce récit de Hamra, radiyallahu anhu arda, qui rapporte que sa mère est morte en étant redevable d'un certain nombre de jeûnes de Ramadan. Il demande à Aïcha radiyallahu anha wardaha, dois-je m'en acquitter pour elle? Aïcha répondit radiyallahu anha, non. Donne en aumône de sa part pour chaque jour de jeûne non accompli un demi-sa' à un pauvre. Un demi-sa' équivaut à 1,3 kg. Donc Aïcha ici lui a dit, pour le jeûne de Ramadan, donne pour ta mère une compensation pour chaque jour 1,3 kg de nourriture. Le deuxième point sur lequel il s'appuie, hein, l'imam Ahmed et les disciples qui l'ont suivi dans cette voie, il s'appuie aussi sur les propos de Saïd ibn Jubayr qui rapporte qu'Abdullah ibn Abbas, lorsqu'une personne tombe malade pendant le mois de Ramadan et décède ensuite sans s'être acquitté de son jeûne, il incombe à quelqu'un de le compenser aux nourritures sans autre forme d'acquittement. Et si par contre il est redevable d'un jeûne qu'il avait fait vœu d'accomplir, il incombe à son titeur de s'en acquitter pour elle, pour le jeûne. Pour le jeûne, hein, imposé par le vœu pieux. Et cette situation est rapportée par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique, conforme aux conditions de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Maintenant, écoutons le verdict et ce que dit l'imam Al-Albani, rahmatullah alayh. L'imam Al-Albani dit, cette distinction qu'ont établi la mère des croyants et Abdullah ibn Abbas, suivi en cela par l'imam de la Sunna Ahmed ibn Hanbal, est assurément l'opinion qui tranquillise les cœurs, apaise l'âme et représente l'avis le plus juste et le plus équitable concernant cette question. Pourquoi? Il dit, en fait, non seulement cette position met en application tous les hadiths s'y rapportant sans le rejet d'aucun hadith et les interprète tous correctement. Il dit, cela est particulièrement pour le premier d'entre eux, Aïcha radiallahu anha wa ardaha, qui en est le rapporteur, qui est le rapporteur du hadith. Où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut qu'il jeûne pour que l'héritier doit jeûner pour, hein, son proche qui est mort. C'est Aïcha qui apporte le hadith. Donc il dit, rahmatullah alayhi, cela est particulièrement pour le premier d'entre eux, Aïcha, qui en est le rapporteur, le premier hadith cité tout à l'heure, qui en est le premier apporteur, Aïcha ne l'a pas interprété en le généralisant au jeûne de Ramadan. Or, il est clairement établi que le rapporteur d'un hadith est le plus à même d'en saisir la signification et le sens, surtout lorsque la compréhension qu'il en a eue est en conformité avec les principes et les fondements de la législation, ce qui est le cas ici. Il dit, cette position de Aïcha et celle d'Abdullah ibn Abbas et de ses disciples, c'est cette position, hein, c'est dans cette position que réside la vérité sur cette question. Donc il en sort quoi? Il en sort que si on a un défunt qui est mort, il n'a pas jeûné quelques jours du mois de Ramadan, il est mort, il n'a pas pu les rattraper. Selon Aïcha, Abdullah ibn Abbas, ainsi que l'imam Ahmed, ainsi que l'imam Al-Albani, on va compenser pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné 1,3 kg, hein, de nourriture par jour non jeûné. Et si la personne s'est imposé un jeûne par un vœu pieux, dans ces cas-là, on rattrape pour lui le nombre de jours qu'il s'est imposé. Il dit, rahimahullah, en effet, le jeûne obligatoire revit le même statut que la prière. Par conséquent, on ne peut l'accomplir à la place d'autrui. De la même façon qu'il n'est pas donné à personne de prier ou d'embrasser l'islam à la place d'autrui. Il en est de même pour le jeûne obligatoire. Et Cheikh Al-Albani, il dit, en effet, le jeûne obligatoire revit le même statut que la prière. La prière, on ne peut pas l'accomplir à la place de quelqu'un comme on ne peut pas se convertir et embrasser l'islam à la place de quelqu'un. Il dit, il en est de même pour le jeûne obligatoire, le jeûne de Ramadan. Hein, fin de citation dont Imam al-Minna. Concernant le début du mois de Ramadan, il est interdit d'anticiper le jeûne de Ramadan d'un jour ou deux. La permission de jeûner un jour ou deux avant le mois de Ramadan, hein, la permission est accordée à celui qui, le jour avant Ramadan ou les deux jours avant Ramadan avant Ramadan correspondent à des jours qu'il jeûne régulièrement. Comme celui qui jeûne le jeudi, hein, et le lundi, c'est par exemple, hein, le mardi c'est le jeûne par exemple, et lui il jeûne le lundi parce qu'il a l'habitude, il n'y a pas de problème. Et celui qui jeûne un jour sur deux, et ainsi de suite. Et aussi celui qui lui reste des jours, hein, un jour ou deux à s'en acquitter, qui doit s'acquitter d'une obligation, d'un jeûne obligatoire, hein, soit des jours manqués de Ramadan précédent, soit en raison d'un vœu pieux, et cela, ils peuvent le jeûner, ce n'est pas une permission maintenant, mais c'est une obligation dans ces cas-là. Le rattrapage est une obligation dans ces cas-là, car on ne peut pas rentrer dans le mois de Ramadan sans avoir, on a eu à avoir sur le dos, hein, une dette de Ramadan de l'année dernière. Hein. Et donc dans ces cas-là, celui qui rattrape, et même il arrive au dernier jour de Ramadan, ou deux jours avant le mois de Ramadan, ce n'est pas un problème parce que là, hein, c'est une obligation pour lui. Et l'accomplissement de ce qui est obligatoire prend le pas sur ce qui est détestable. Et le jeûne de Ramadan et la rupture du mois de Ramadan sont liés à l'observation de la nouvelle lune à l'œil nu, même en utilisant un outil permettant le grossissement de la vision, car cela est considéré comme une observation à l'œil nu. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, mais on ne monte pas dans l'avion pour aller observer. C'est l'observation qui consiste le fondement légal du jeûne et qui consiste le fondement légal de la rupture du jeûne et non le calcul astronomique sur lequel il n'est aucunement permis de se baser. Donc cet acte d'adoration, comme beaucoup d'autres, sont basés sur quelque chose de concret, parce qu'ils concernent les gens qui sont instruits, les gens qui ne le sont pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce qui est, que doit se baser sur des choses qui sont concrètes, que tout le monde capte. Là, c'est la vision de la lune, de l'apparition du croissant lunaire. Quand on le voit, on débute le mois de Ramadan, et quand on le revoit au bout de 29 jours ou 30 jours, bah, khalas, on rentre dans le mois de Shawwal. Et c'est lors de la nuit du 30 Shaban, du nuage au autre, on empêche l'observation de la nouvelle lune, on complète le nombre de jours du mois de Shaban à 30 jours, et on ne doit pas jeûner ce jour-là, parce que la lune n'a pas été vue. Il n'a pas été vu. Donc ceci, car le principe de base est la certitude, et la certitude sans que le mois de Shaban perdure, alors que l'on doute qu'il soit fini, et on ne peut pas passer d'une chose certaine à une chose sur laquelle il y a le doute, car les doutes et les probabilités ne peuvent pas prendre le dessus sur la certitude. Certains imams comme Abu Hanifa et l'imam Ahmed sont d'avis qu'il ne faut pas tenir compte des différents moments de l'apparition de la lune, des différents moments de l'apparition du croissant lunaire, de la nouvelle lune, se basant sur ce hadith authentique: si vous le voyez, jeûnez, et lorsque vous le voyez, de nouveau, rompez le jeûne. C'est-à-dire, si vous voyez le croissant du mois de Ramadan, jeûnez, et si vous voyez le croissant apparaître, le croissant du mois de Shaban, rompez le jeûne. Et cet avis-là, ça veut dire que si le croissant est vu au Pakistan, tout le monde musulman doit jeûner. N'importe où qu'il soit venu, au Sénégal ou ailleurs, bah, tout le monde doit jeûner, selon cet avis. Cheikh l'Islam, rahimahullah, a dit les moments d'apparition de la lune, de la nouvelle lune, diffèrent. Et il y a sur cela un consensus des spécialistes. Ainsi, si le moment d'apparition de la nouvelle lune est similaire, le jeûne est obligatoire à toute cette région, sinon non. Donc, il y a l'unanimité chez les spécialistes sur le fait que la différence entre l'apparition de la lune existe. Hein? Que l'apparition diffère d'une région à une autre. Cher l'Islam, il dit, si maintenant l'apparition de la lune est similaire entre deux pays ou trois pays ou dans une région, dans lequel même il y a plusieurs pays, ben si l'apparition du croissant lunaire est similaire, toute cette région-là doit débuter le jeûne ensemble. Et si l'apparition de la lune n'est pas similaire et différente, dans ces cas-là, ils ne jeûnent pas ensemble. Cheikh Al-Uthaymeen nous éclaire sur ce point. Il dit qu'il y a trois avis à ce niveau-là. Le premier avis, le jeûne s'impose à l'ensemble de la communauté dès que le croissant est observé quelque part. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Islam l'Albani, rahmatullah alayh. Mon avis, c'est l'avis d'Abu Hanifa et de l'imam Ahmed et beaucoup d'autres. Le deuxième avis, le jeûne s'impose à tous ceux dont le moment de l'apparition de la lune est similaire. Hein? Dire une région telle le Maghreb par exemple, l'apparition de la lune est similaire, bah, ils jeûnent ensemble. Vers l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc., ce sont l'apparition de la lune est similaire, ils jeûnent ensemble et ainsi de suite. Tous ceux qui ont l'apparition similaire jeûnent ensemble. Il dit rahmatullah alayh, la troisième situation, c'est que le jeûne s'impose à toutes les populations qui vivent sous la même autorité, même si le territoire est vaste. Hein, même si le territoire est vaste, du moment qu'ils sont sous le même pouvoir, le même gouverneur, ben ils doivent, hein, quand le gouverneur dont la capitale déclare le début du jeûne, ben ils doivent jeûner tous ensemble. Il dit, rahmatullah alayh, quelle est la pratique aujourd'hui? Qu'est-ce que pratiquent les gens aujourd'hui? Il dit le plus courant, c'est le troisième cas. C'est-à-dire, c'est pourquoi le troisième cas, c'est que chacun jeûne avec son gouverneur. Il dit, c'est pour ça, on peut voir deux pays séparés par quelques mètres, l'un jeûne et l'autre non, ou que l'un rompe le jeûne et l'autre non, car les autorités sont différentes. Prenez par exemple, à la frontière entre Oujda et Wahran. Il n'y a rien, il y a quelques mètres. On se voit, on se fait des signes de la main. Mais là, le jeûne débute, et là, il ne débute pas. Là, c'est la fin de Ramadan, là, ce n'est pas encore la fin du Ramadan. Pourquoi? Parce que les pouvoirs sont différents. Il dit, rahimahullah, ici, et c'est la vie le plus proche de la pratique. Car il n'est pas raisonnable que nous soyons sous la même autorité que les uns jeûnent, et que les uns jeûnent, et les autres non. Car cela amène la division, l'anarchie. Dit, et Cheikh Al-Utaymiyyin dit que ça, c'est ce qui correspond à ce qui se pratique chez les gens. Et il dit, hein, et c'est le plus raisonnable, parce que c'est impensable. Comme des fois ça se passait en Afrique du Nord, des fois certains jeûnaient avec l'Arabie Saoudite, d'autres avec le Yémen, etc. Et tu te retrouves dans la maison, dans le quartier, certains jeûnent, certains ne jeûnent pas, et certains se cachent des autres, etc. Il y avait même des gens qui, dont la raison dépassait les limites, ils faisaient la prière du Eid chez eux ou dans une ferme, etc., entre eux, parce qu'ils ont jeûné avec l'Arabie Saoudite ou ils ont jeûné avec un autre pays. Hein? Et tout ceci amène à l'anarchie et à la division. Alhamdulillah, il y a eu un certain éveil. Hein? Et Hadou agissant ainsi, on m'appelle, disent, nous, on cherche l'unité. Mais c'est comme ça, c'est pas comme ça que l'unité se cherche. Là, vous créez encore plus de division. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, qui est d'avis que, quand le croissant, par exemple, il vit au Pakistan, que le monde musulman en entier jeûne, bah, voit que, hein, que chacun jeûne avec son pays. Chacun jeûne avec pays, avec son pays ne diverge pas avec son gouverneur. Alors que sa position, c'est pour que la communauté, hein, de l'Est à l'Ouest s'unisse sur le jour de, le jeûne du même jour et la rupture au même jour. Pourquoi? Parce que le jeûne est une adoration collective. Jeûner à sa vision et romper à sa vision, c'est pas un acte individuel, hein. Et Cheikh Al-Albani dit, jusqu'à ce qu'on arrive à cette unité de la communauté, bah, au moins qu'il reste ces petites unités dans les pays, qu'ils ne soient pas morcelés et divisés. Cheikh Al-Utaymiyyin, il dit, rahmatullah alayh, mais du point de vue théorique, et du point de vue scientifique, nul doute que l'avis du Cheikh Al-Islam est l'avis correct. C'est quoi l'avis du Cheikh Al-Islam Al-Utaymiyyin? L'avis du Cheikh Al-Islam Al-Utaymiyyin, c'est compte. Hein, deux pays ou trois ou plus ont l'apparition de la lune similaire, ils doivent jeûner ensemble. Il dit, rahmatullah alayh, donc, l'avis du Cheikh l'Islam est l'avis correct. Nous disons cela d'un point de vue scientifique, mais dans la pratique, nous suivons nos gouverneurs. Lorsqu'ils ordonnent de jeûner, on jeûne, et lorsqu'ils ordonnent la rupture, on rompt, afin que les gens ne divergent pas. Et chaque pays garde sa propre observation de la lune. Hein? Et on arrête là, inshallah, et on terminera, inshallah, tout à l'heure. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallillahumma wa sallim wa barik على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا